Vous voyez une femme, non pas au désespoir, mais à l'agonie de l'honneur, et déterminée à tout, mon ami, pour empêcher des crimes. » Craignant qu'Hortense ne vînt, elle poussa le verrou de sa porte. Puis, par le même élan, elle se mit aux pieds de Crevel, lui prit la main et la lui baisa. « Soyez, dit-elle, mon sauveur !» Elle supposa des fibres généreuses dans ce cœur de négociant et fut saisie par un espoir, qui brilla soudain, d'obtenir les 200 000 francs sans se déshonorer. « Achetez une âme, vous qui vouliez acheter une vertu !» reprit-elle en lui jetant un regard fou. « Fiez-vous à ma probité de femme, à mon honneur dont la solidité vous est connue. Soyez mon ami, sauvez une famille entière de la ruine, de la honte, du désespoir, empêchez-la de rouler dans un bourbier où la fange se fera avec du sang. Oh, ne me demandez pas d'explication, » fit-elle à un mouvement de Crevel qui voulut parler. « Surtout, ne me dites pas, je vous l'avais prédit, comme les amis heureux d'un malheur. Voyons, obéissez à celle que vous aimiez, à une femme dont l'abaissement à vos pieds est peut-être le comble de la noblesse. Ne lui demandez rien, attendez tout de sa reconnaissance. Non, ne donnez rien, mais prêtez-moi, prêtez à celle que vous nommiez Adeline. »